الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans la traduction et les quelques commentaires du livre القول المفيد في أدلة التوحيد du Cheikh Mohammed ibn عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى. قال المؤلف حفظه الله تحريم الذبح لغير الله. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسكي أي ذبحي وحجي وعبادتي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. أخرجه الإمام مسلم في آخر كتاب الأضاحي. قلت يؤخذ من هذه الأدلة أن الذبح عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، وأن من ذبح لغير الله كجني وقبر وغير ذلك فهو يستحق اللعن والطرد من رحمة الله إلا أن يتوب إلى الله، فمن تاب تاب الله عليه. لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. Puis le Cheikh hafidhahullah ta'ala ouvre le chapitre de l'interdiction de sacrifier pour autre qu'Allah. L'interdiction d'égorger pour autre qu'Allah. Les preuves dans le Coran et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets 162 et 163 de Surat Al-An'am, Surat les Bestiaux, dit « Ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont à Allah le Seigneur des mondes. Point d'associer à lui et c'est ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des musulmans. » Nusuki, dans ce verset, le Cheikh dit, c'est-à-dire mon égorgement, mon pèlerinage et mon adoration. Ce terme englobe ces trois choses à la fois, et parmi ces choses, le fait de dégorger une bête pour autre qu'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Kawthar, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Et prie pour ton Seigneur et égorge. C'est-à-dire égorge également pour ton Seigneur. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. أي وَانْحَرْ لِرَبِّكَ. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah, rapporté par Muslim dans son Sahih. Je dis, c'est-à-dire l'auteur, nous prenons de ces preuves que de sacrifier une bête est une adoration. Et l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'avoue à autre qu'Allah a alors commis un grand polythéisme. Le polythéisme qui fait sortir de l'islam, wal'ayadu billah. Et que celui qui égorge pour autre qu'Allah, comme égorger pour un djinn, ou pour une tombe, ou toute autre chose, alors il mérite la malédiction et l'expulsion de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf s'il se repent à Allah azza wa jal. Celui qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'Allah accepte son repentir? Oui. Wa man tab, tab Allahu alayhi. Et celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah la malédiction, c'est-à-dire l'expulsion de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف تنقسم الذبائح إلى ثلاثة أقسام. Puis le cheikh, hafidhahullah, rentre dans les détails et titre un chapitre en disant que les sacrifices sont de trois sortes. أولا ذبائح مشروعة وهي مثل الضحايا. أولا الضحايا. ثانيا الهدايا. ثالثا ذبح النذور لله. رابعا العقيقة على المولود في يوم سابعه أو بعده. خامسا الذبح في الولائم. سادسا الذبح لإكرام الضيوف. سابعا ذبح صدقة يتقرب بها إلى الله. ثامنا ذبح الفدية في الحج والعمرة. Donc les sacrifices sont de trois sortes. La première sorte, ce sont les sacrifices qui sont légiférés. Qui sont légiférés comme par exemple, premièrement, ad-dhahaya. Les bêtes que l'on sacrifie, et lorsque l'on parle de l'udhiya, ce sont les bêtes qui sont sacrifiées, à quel moment? Au moment de Eid al-Adha, au moment de la fête du sacrifice qui a lieu, comme vous le savez, le dixième jour de Dhul-Hijjah. Deuxièmement, al-Hadaya, qui sont des bêtes égorgées par qui? Par le pèlerin. Qu'il soit mutamatti' ou non, dans quel cas, ce sont quoi déjà les trois rites du pèlerinage? At-tamattu' wal-ifrad wal-qiran. Et dans quel cas est-ce qu'il y a une bête à sacrifier? Dans Al-Ifrad et dans Al-Tamattu'. Concernant Al-Qiran, il n'y a pas de bête à sacrifier. ذَبْحُ النُّذُورِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. De sacrifier des bêtes qui rentrent dans un vœu que l'on a fait. Et on a parlé la semaine dernière des vœux. Celui qui fait le vœu de sacrifier une bête à Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il doit mettre en pratique et en application ce vœu? Oui, car il ne comporte pas de désobéissance, car il a fait le vœu de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, la bête qui est sacrifiée lors de la aqiqah. Le professeur Hassan a dit, pour chaque nouveau-né, il y a une aqiqa. Et qu'est-ce que l'aqiqa? C'est la bête qui est sacrifiée. Pour un garçon, on sacrifie deux brebis ou deux moutons. Et pour la fille, un seul ou une seule. Et ceci le septième jour ou après. Le septième jour de la naissance. Comment est-ce qu'on calcule le septième jour de la naissance? Si l'enfant est né le mardi, quand est-ce que l'on sacrifie? Mercredi. On sacrifie le lundi. Et on avait dit à plusieurs reprises, le moyen de s'en rappeler, c'est le jour d'avant de la semaine d'après. S'il est né le mercredi, le jour d'avant de la semaine d'après. C'est mardi. Taïb. Cinquièmement, de sacrifier pour un mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aoulim walaw bichat » Fais ta walima ne serait-ce qu'avec une brebis. Donc de sacrifier une bête pour un mariage, pour une fête de noces, cela est légiféré. Sixièmement, de sacrifier une bête en guise de générosité envers l'invité. Qui l'a fait parmi les prophètes? Ibrahim alayhi salam. Il a sacrifié un veau pour ses deux invités qui sont venus à lui, qui étaient en réalité deux anges qui sont venus à lui sous forme humaine. Septièmement, de sacrifier une bête en guise d'aumône par laquelle la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as le droit de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala sans que cela n'entre dans les cas précédemment cités. Et ceci, bien sûr, avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de donner en aumône la viande de cette bête égorgée. Thaminan, et huitièmement, de sacrifier une bête en guise de fidyah. Qu'est-ce qu'une fidyah? Une compensation dans le hajj et dans la umrah pour ceux, entre autres, qui ont commis une interdiction parmi les interdictions de l'ihram, sous condition ou sans condition? Non? Sous condition qui sont qu'il ait commis une interdiction parmi les interdictions de l'ihram de façon volontaire, sans qu'il ne soit ignorant ou soit qu'il n'ait oublié. Ainsi, les savants disent que celui qui a commis une interdiction parmi les interdictions de l'ihram, pour l'homme par exemple, de se couvrir la tête. Celui qui s'est couvert la tête en état d'ihram, parce qu'il a oublié qu'il était en état d'ihram, ou parce qu'il ne savait pas que cela était interdit, est-ce qu'il a une compensation? Est-ce qu'il a une brebis ou un mouton à sacrifier en guise de compensation? La réponse est non. Mais s'il l'a fait de façon volontaire, tout en connaissant l'interdiction de son acte, alors il devra sacrifier un mouton à la Mecque et il devra distribuer la viande aux pauvres de la Mecque. Ceci est la première catégorie des sacrifices qui, comme vous l'avez vu, sont tous des sacrifices légiférés dans notre religion. Thaniyan, zaba'ih mubaha, wa hiya مثل أولا ذبح الجزار للبيع ثانيا الذبح للأكل. Deuxièmement, les sacrifices autorisés. Les sacrifices autorisés. Premièrement, le sacrifice d'un boucher pour vendre. Un boucher qui sacrifie une bête. Est-ce qu'il la sacrifie dans l'un des cas précédemment cités? Non. Il la sacrifie dans le but de commercer, de vendre sa viande et de gagner de l'argent. Et deuxièmement, l'égorgement autorisé également, c'est d'égorger pour manger. D'égorger une bête dans le seul but de manger la viande de celle-ci. Est-ce que cela est autorisé? La réponse est oui. Thalithan, ذبائح محرمة وهي قسمان. القسم الأول شرك أكبر مثل الذبح للأصنام. الذبح للجن، الذبح للقباب والمشاهد والقبور، الذبح لمرض الزار وهو من أنواع الذبح للجن، الذبح للبئر الجديدة قبل الشرب من مائها وهو من أنواع الذبح للجن، وكذا إذا غار ماؤها فيذبحون للجن حتى يعود ماؤها حسب زعمهم. الذبح عند الانتهاء من بناء البيت الجديد قبل السكن بقصد حجاب من الجن. الذبح عند دخول العروسين البيت ومشيهما على دم الذبيحة وهو من أنواع الذبح للجن. الذبح السنوي للجبل حتى لا يسقط على البيوت المجاورة حسب زعمهم. الذبح السنوي للبحر أو النهر حتى لا يبتلع من بجواره حسب زعمهم. الذبح للمريض من أجل الجن أن يخرجوا منه إن كانوا قد دخلوا فيه، أو لا يدخلون فيه إن كانوا لم يدخلوا حسب زعمهم. الذبح للجن إذا وجد كنز في مكان الكنز. والخلاصة أن الذبح لغير الله يعتبر شركا أكبر، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر. Et la troisième catégorie de sacrifices, ce sont les sacrifices interdits. Les sacrifices interdits. Et ceux-là sont de deux sortes. Premièrement, les sacrifices interdits qui font partie du grand polythéisme. Autrement dit, qui font sortir de l'islam, wal'iyadhu billah. Premièrement, de sacrifier pour une statue ou pour une idole. Deuxièmement, de sacrifier pour un djinn. Troisièmement, de sacrifier pour une coupole ou une tombe ou autre. Quatrièmement, de sacrifier pour guérir de la maladie appelée azar, qui est une maladie qui comporte ou qui ressemble à celui qui est possédé par un djinn. Pour cela que le cheikh dit « وَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ الذَّبْحِ الْجِنِ » et de sacrifier pour cette maladie revient ou fait partie des sacrifices qui sont faits pour les djinns. Cinquièmement, de sacrifier pour un nouveau puits avant d'avoir bu de son eau. Et ceci fait partie des sacrifices qui sont faits également pour les djinns. Comme s'ils sacrifiaient pour le djinn afin qu'ils ne boivent pas et qu'ils n'assèchent pas l'eau de ce puits. Ou également de sacrifier une bête pour un djinn dans le but que le puits qui s'est asséché, eh bien que son eau puisse revenir. Selon bien sûr, et ceci ne sont que des prétentions de leur part. Sixièmement, de sacrifier une bête. Lorsque l'on construit une nouvelle maison avant d'y habiter avec l'intention d'être préservé des djinns. Cela fait partie du shirk akbar, wal'iyadhu billah. Septièmement, de sacrifier une bête lorsque les deux mariés entrent dans leur maison et ils marchent sur le sang de cette bête sacrifiée. Et ceci est considéré comme un sacrifice pour le djinn, car ceux qui font cela le font dans le but d'être préservés du mal des djinns. Huitièmement, de sacrifier annuellement une bête pour qui ? Pour une montagne, afin qu'elle ne tombe pas sur les maisons avoisinantes, selon bien sûr ce qu'ils prétendent. Neuvièmement, de sacrifier annuellement une bête pour l'océan ou la mer ou les rivières afin qu'elles n'engloutissent pas ce qui est alors ce qui est à proximité d'eux, selon bien sûr leurs prétentions. Dixièmement, de sacrifier pour un malade, afin que le djinn qui est en lui sorte, s'il est entré en lui, ou alors qu'il n'entre pas s'il n'est pas encore entré en lui. Onzièmement, de sacrifier pour un djinn lorsque l'on trouve un trésor dans le lieu de la découverte. Et pour résumer, le sacrifice pour autre qu'Allah est considéré comme un grand polythéisme. Et le comité permanent des savants de l'Arabie Saoudite ont prononcé cette fatwa qui est que celui que d'égorger pour autre qu'Allah est considéré comme du grand polythéisme. Donc on a dit que les sacrifices interdits sont de deux sortes. La première, les sacrifices qui font partie du grand polythéisme. Et la deuxième, comme le dit Cheikh Hafidhahullah, al-qismu thani min al-dhabaihil muharrama. Mithlu. Al-dhabhu lillahi fi tafdili makanin za'amu. فضل الذبح لله فيه ولم يأتي الشرع بذلك ثانيا الذبح عند الخصومة لإرضاء الخصم ولا يرضى عنه خصمه إلا بذلك وله أسماء متعددة عندهم ومن أهل العلم من عده من الشرك كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ثالثا الذبح عند القمار يذبحه المغلوب للفائزين رابعا ومن الذبائح المبتدعة تخصيص ذبيحة ليلة النصف من شعبان أو اليوم 27 من رجب أو ليلة 12 من ربيع الأول أو أول سنة أو آخر السنة إلى غير ذلك من الذبائح المبتدعة خامسا الذبح لله عند القبر عن ثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. La deuxième sorte des sacrifices interdits sont les sacrifices qui ne font pas partie du grand polythéisme, mais qui sont tout de même interdits. Premièrement, de sacrifier une bête pour Allah dans un lieu qui, soi-disant, lorsqu'une bête y est égorgée, eh bien, il y a plus de mérite. Alors que rien dans notre religion ne vienne attester que ce lieu a une particularité vis-à-vis des autres. Deuxièmement, de sacrifier une bête lors d'un désaccord pour satisfaire les protagonistes ou ceux qui sont en désaccord avec toi et eux ne seront satisfaits ou ne pourront mettre un terme à cette discorde qu'en leur sacrifiant une bête, Et ce geste a plusieurs noms, et ceci en fonction des pays et des régions. Donc lorsque deux personnes sont en conflit, de sacrifier pour que celui avec qui tu es en conflit soit satisfait, cela fait partie des sacrifices interdits. Et parmi les savants, certains l'ont considéré comme du shirk, wal'iyadu billah, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Troisièmement, de sacrifier une bête lors de jeux de hasard, que celui qui est vaincu sacrifie une bête pour les vainqueurs. Pour les vainqueurs. Ceci dans les jeux de hasard ou dans les paris. Quatrièmement, parmi les sacrifices innovés, le fait de préciser et de sacrifier une bête pendant des jours bien définis qui ne sont rapportés ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qui sont ceux qui sacrifient une bête lors de la nuit, lors de la 15e nuit du mois de Sha'ban, ou lors du 25e jour de Rajab, ou la 12e nuit du mois de Rabi' al-Awwal, ou bien de sacrifier une bête au début de l'année, ou à la fin de l'année, et toute autre date qui, lorsque le musulman y sacrifie une bête, cela fait partie ou est considéré comme des sacrifices innovés. Et qui dit innové, dit interdit. Car toute innovation est égarement. Kullu bid'atin dalalah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et cinquièmement, de sacrifier pour Allah auprès d'une tombe. De sacrifier pour Allah auprès d'une tombe. Cela est-il considéré comme du shirk? Non. Cela est-il interdit? Oui. Cela est-il un moyen qui pourrait amener au shirk? La réponse est oui. Et ensuite, le shirk a cité le hadith de Thabit ibn Dhahhak, radiallahu anhu, que l'on a cité et expliqué la semaine dernière, notamment on a lu l'explication de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullahu Ta'ala, et on le répète une nouvelle fois, selon Thabit ibn Dhahhak, radiallahu anhu, qui dit qu'un homme a fait le vœu, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sacrifier un chameau à l'endroit appelé Bouana. Il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a dit: j'ai fait le vœu de sacrifier un chameau à Bouana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce qu'il y a là-bas une statue ou une idole qui fait partie des idoles de la période anté-islamique qui est adorée? Il a dit non. Est-ce qu'il y a là-bas une fête parmi leurs fêtes, c'est-à-dire des polythéistes? Il a dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mets en application ton vœu, car point d'application du vœu lors d'une désobéissance à Allah ou lorsque le vœu est fait sur une chose que le fils d'Adam ne possède pas. طيب يقول المؤلف حفظه الله تعالى الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع. Puis le cheikh ouvre le chapitre. La pierre noire ne n'apporte ni mal ni bien. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. سنو عمر بن الخطاب رضي الله عنه qu'il est venu devant la pierre noire et l'a embrassé, puis a dit: je sais par Allah que tu es une pierre qui ne fait ni mal et ni bien. Et si je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qultu, wa hadha idha kana fil hajar al-aswad alladhi fil ka'bati al-musharrafah la yadur wa la yanfa' فغيره من حجار القبور والتوابيت والقباب من باب أولى لا تضر ولا تنفع ولو أن رجلا غير عمر قال هذا القول لقال عنه المبتدع بأنه وهابي فما هو قولهم في أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تعلم في المدرسة النبوية Madrasati Tawhid wa Sunnah. Et je dis, c'est-à-dire, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi, et ceci sur la pierre noire. Ceci concernant la pierre noire qui est ancrée dans la Kaaba. Cette pierre noire qui est dans ce lieu béni, qui est la Kaaba, n'apporte ni mal ni bien. Que dire des autres pierres? Que dire des autres pierres? Les pierres présentes dans les tombes, dans les cercueils, dans les coupoles, eh bien, de surcroît, ces pierres ne peuvent en aucun cas apporter un bien ou faire un mal. Puis il dit, Hafidhahullah, et si un homme, autre que Omar radiallahu anhu, avait dit cette parole, alors les innovateurs auraient dit de lui que c'est un wahhabi. Et on entend beaucoup, à notre époque, les wahhabites. Attention, c'est un wahhabi. En faisant croire aux gens que les wahhabis sont des gens premièrement, qui rendent mécréants les musulmans. Que ce sont des personnes qui ne prient pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce sont des personnes qui passent leur temps à critiquer les musulmans en taxant certains de mécréants, d'autres d'innovateurs, etc., etc. Tout ceci n'est que mensonge, après mensonge. Et nous défions quiconque qui vient nous dire que les wahhabis sont ainsi, tout d'abord de nous donner la définition de l'wahhabi. Qu'est-ce que l'wahhabi? C'est quoi être wahhabite? C'est suivre Mohammed ibn Abdel Wahhab? Si c'est ça, alors oui, je suis wahhabi. Et l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait par son intermédiaire? Il a fait revivre le tawhid, il a purifié la péninsule arabique du polythéisme. Les gens y adoraient des statues, les gens y adoraient les tombes, les gens invoquaient pour autre qu'Allah, les gens sacrifiaient pour autre qu'Allah. Et lorsque vous lisez le livre du Tawhid de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'est-ce que vous y trouvez? Qu'est-ce que vous y trouvez? Des versets et des hadiths. Rien d'autre. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Du début à la fin, ce ne sont que des versets et que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et beaucoup sont revenus, alhamdulillah, à la vérité. Et ont témoigné de ce qui se disait sur les wahhabis. Ceux qu'ils taxent de wahhabis. Et certains même disent, si tu as la possibilité de tuer un wahhabi, fais-le. Wal'ayadu billah. Et quant à ce qui se dit dans les médias, hadith wa la haraj. Il ne faut même pas prêter attention à ce que les ennemis de l'islam disent concernant le wahhabisme, car il n'y a dans cela aucune vérité. Puis Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi hafidhahullah dit, en s'adressant à ces innovateurs, quelle est alors leur parole sur le guide des croyants, Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a appris de l'école prophétique, l'école du tawhid et de la sunnah, radiyallahu ta'ala anhu. ثم قال المؤلف رحمه الله تحريم الحلف بغير الله. Et concernant le wahhabisme entre guillemets, il y a un livre qui est en anglais, je crois, mais je ne sais pas s'il a été traduit en français, le mythe du wahhabisme, de Wahhabi myth. Vous n'en avez pas entendu parler? Akulihal. Si certains d'entre vous peuvent faire une recherche pour savoir si ce livre est traduit en langue française, ce serait, inshallah ta'ala, une bonne chose. Qala al-muallif tahrimu al-halifi bi ghayrillah. Awalan an Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasir fi rakb وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أخرجه البخاري ومسلم. L'interdiction de jurer par autre qu'Allah. Selon Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de Umar ibn al-Khattab alors qu'il était en voyage parmi des rukab, qui sont ceux qui montent sur des chameaux. Et Umar radiyallahu anhu a juré par son père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à eux et a dit « Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit de jurer par vos pères. Celui qui jure, qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. » Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et les Arabes, avant la période anti-islamique, juraient par leurs pères car ils donnaient beaucoup d'importance à ceci. Et bien sûr, les pères, cela englobe les pères et tous ceux qui ont le jugement du père, comme les grands-pères, et etc. وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف فلا يحلف إلا بالله. Et selon Omar al-Khattab et selon Abdullah ibn Umar également, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui jure, qu'il ne jure que par Allah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء رواه البخاري ومسلم. Et selon أبو هريرة رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui jure et qui dit dans son juron par Allat wal Uzza, qu'il dise la ilaha illallah, qu'il dise la ilaha illallah en guise d'expiation à ce juron interdit qu'il a dit. Et celui qui dit à son compagnon: viens que l'on parie alors qu'il donne en aumône quelque chose. Car le pari fait partie du maïsir. Et quel est le maïsir? Ce sont les jeux de hasard. Ce sont les jeux de hasard. Et les savants ont autorisé le pari dans trois cas. Le pari dans les courses de chevaux, ce ne sont pas les courses de chevaux que vous connaissez. Ce n'est pas le tiercé. On ne parle pas du tiercé là. On parle de personnes qui, les deux sont des cavaliers, et ils font le pari, le premier qui arrive à tel endroit, alors il devra donner, par exemple, 100 euros à l'autre. Est-ce que cela est autorisé? Oui, car ce sont deux cavaliers. Pareil pour les courses de chameaux. Pareil pour... Pour le tir à l'arc. Pour le tir à l'arc. Et les savants ont dit pourquoi? Car ce sont des moyens qui permettent de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les moyens qui, comment dire, les moyens qui permettent de encourager cela, eh bien, sont autorisés. Et les savants ont également autorisé les paris dans le dans la science et dans l'apprentissage du Coran. Ainsi, Al-Lajna Da'ima a été questionné, est-ce qu'il est autorisé de donner une récompense lors d'un concours d'apprentissage du Coran? Il y a un concours, celui qui lit le mieux le Coran, eh bien, il gagnera une umra pendant le mois du Ramadan. Est-ce que cela est autorisé? Oui, car cela encourage les enfants et les gens à apprendre le livre d'Allah, à le parcouriser, à l'apprendre par cœur, et également pour la science. Celui qui apprend Sahih al-Bukhari, et qui y connaît le mieux, eh bien, il aura telle et telle récompense. Est-ce que cela est autorisé? Oui, car cela encourage à apprendre la science du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Quant à tout autre pari, cela est autorisé, cela est interdit, car il entre dans le cadre des jeux de hasard. Et les jeux de hasard sont des jeux destructeurs. Et cela détruit la vie de la personne. Cela détruit son argent. Cela détruit sa vie. Cela détruit sa famille. Cela détruit son temps. Cela détruit sa foi. Et tout autre effet néfaste qui sont connus des jeux de hasard. Et ceux qui en sont victimes vous le diront clairement que c'est une drogue. C'est une drogue. Pourquoi? Car il est toujours poussé par l'espérance de pouvoir gagner plus. Et il espère à chaque fois. Il se dit non, j'ai raté cette fois-ci, mais il viendra un jour où j'aurai le pactole. Et les années passent. Et voir les décennies passent, et lorsqu'il fait le compte sur tout ce qu'il a dépensé et tout ce qu'il a gagné, il voit qu'il est perdant dans tout. Et combien ont divorcé à cause de cela? Car le mari était trop préoccupé par cela, il en a délaissé le travail, il en a délaissé sa femme et ses enfants. Wal'iyadhu billah. Ainsi, soyez persuadés que lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous interdit une chose, cela n'est que pour notre bien. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني وكذا صححه الشيخ مقبل رحم الله الجميع سلون بريدة رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui jure par le dépôt ne fait pas partie de nous. Celui qui jure par le dépôt ne fait pas partie de nous. Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani et par Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahumullah. Rabi'an, an Qutayla imra'atun min Juhayna radiyallahu anha, anna yahudiyan ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, faqala innakum tandiduna وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني وكذا الشيخ مقبل رحمهم الله. Quatrièmement, selon Qutayla, une femme de Juhayna, radiyallahu anha, qui dit qu'une personne du peuple juif, qu'un juif, est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous prenez des divinités en dehors d'Allah, et vous associez autre qu'Allah. Et vous faites du polythéisme en disant ce qu'Allah veut et toi. Et vous dites par la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné à ses compagnons, lorsqu'ils veulent jurer, de dire par le Seigneur de la Kaaba et de dire ma sha Allah thumma shi't. Il y a ce qu'Allah veut, puis ce que tu veux. Et lorsqu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ma sha Allah wa shi't » »« Il y a ce qu'Allah veut et toi »« Il y a ce qu'Allah veut et également ce que toi tu veux » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé, son visage a rougi, et il lui a dit alayhi salatu wa sallam « Aja'altani lillahi nidda » « As-tu fait de moi une divinité en dehors d'Allah ?» قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ. Dit, il n'y a que ce qu'Allah veut seul. Mais il est autorisé de dire مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتْ. Il y a ce qu'Allah veut, puis ce que toi tu veux. Car, tu ne peux faire une chose que si Allah Azza wa Jalla l'a voulu. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pouvez vouloir que ce qu'Allah veut, sauf si Allah le veut, le Seigneur des mondes. Et le hadith est rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Sheikh Al-Albani et Sheikh Muqbil, rahimahumallah. Khamisan, an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. أخرجه البخاري ومسلم. إسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم m'a dit Allah exalté soit-il vous interdit de jurer par vos pères. Rapporté par البخاري مسلم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام فهو كما قال. أخرجه البخاري ومسلم. سنو ثابت بن ضحاك رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui jure par une religion autre que l'islam alors il est comme il a dit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce que jurer par une religion autre que l'islam? Par la Torah? Non. Par la Torah, c'est tu as juré par un livre. Non. C'est comme de dire, par exemple... Naam, Akhi? Ceux qui jurent, par exemple, qui disent par Zeus ou Jupiter, c'est pas pareil. Non. Là, on parle, le professeur Sam a dit, celui qui jure par une religion autre que l'islam. On parle pas celui qui jure par autre qu'Allah. Naam, si je fais telle chose, devient juif, par exemple. Ahsant. Celui qui dit, par exemple, je jure que c'est vrai. Et si c'est pas vrai, je suis un juif. Ou je suis un chrétien si c'est faux. Le professeur Sam a dit, فَهُوَ كَمَا قَالَ. Il est alors comme il a dit, وَلَيَذُ بِاللَّهِ. Septièmement, عن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني وكذا الشيخ مقبل رحمهم الله. Selon Bourayda radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure et qui dit, je me désavoue de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il est menteur, alors il est comme il a dit. C'est-à-dire qu'il est désavoué de l'islam, wal'ayadu billah. Et s'il est véridique dans son juron, alors il ne retournera pas en islam sain. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'il aura commis un grand péché. Et qu'il est musulman, oui, mais il est un musulman avec un grand manque. Thaminan, an Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم رواه مسلم. سيدنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jurez pas par des divinités, par des idoles, par ce qui est adoré par autre qu'Allah dans le faux, et ne jurez pas par vos pères. تاسعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وكذا الشيخ مقبل رحمه الله. Neuvièmement, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jurez pas par vos pères, ni par vos mères, ni par les divinités en dehors d'Allah, ne jurez que par Allah, et ne jurez que lorsque vous êtes véridique. Et ne jurez que lorsque vous êtes véridique. Car c'est un grand péché de jurer en mentant. C'est un péché tellement grave qu'il n'y a même pas d'expiation à faire. Al-Yamin ou Al-Ramous, de jurer par Allah alors que tu sais que tu mens. Celui qui a juré par Allah tout en ne sachant pas que ce n'était pas vrai, il doit faire l'expiation du juron. Mais celui qui jure par Allah en sachant qu'il ment, les savants l'appellent al-yamin ou al-ramous, le juron qui fait plonger où? En enfer, wa l'ayadu billah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit, dit, et ne jurez que lorsque vous êtes véridique. Hadith authentique, apporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i, Ibn Hibban, Al-Bayhaqi, et authentifié par Sheikh Al-Albani et Sheikh Muqbil. Ashiran, an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man halafa bi ghayrillahi faqad kafara aw ashrak. Rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi, wal Hakim wa Sahahahu wa Wafaqahu al-Dhahabi, وكذا الألباني والبيهقي والطيارسي وأحمد وابن حبان وانظر الجامع الصحيح للشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a alors mécru ou a associé à Allah. Il a alors mécru ou associé à Allah subhanahu wa ta'ala. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا وأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إنه من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك. Et selon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a dit, non par mon père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mah. Que signifie mah? C'est un mot qui est dit et prononcé pour réprimander quelqu'un. Et les savants disent que, à la base, c'était mahada. Qu'est-ce que cela? Dans le but de corriger, de réprimander la personne. Et ils ont enlevé des lettres de mahada et en ont fait un seul mot composé de deux lettres appelé mah. Donc mah, c'est-à-dire qu'est-ce que cela? Celui qui jure par une chose autre qu'Allah a alors associé. Hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique. Qultu wa min hadhihi al-adillati an-nabawiyyah as-sahihah yatabayyanu tahrim al-halif bighayri Allah kal-amanah wal-'aysh wal-milh wash-sharaf wal-ab wal-jadd wal-ka'bah wan-nabiy والأخوة والصداقة والزمالة والشرف العسكري والطلاق وغير ذلك من دون الله وأن الحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله وحده لا شريك له. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab, hafidhahullah, et de ces preuves prophétiques, authentiques, de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, il apparaît l'interdiction de jurer par autre qu'Allah, comme de jurer par le dépôt, de jurer par la vie, par le sel, par l'honneur, par le père, par le grand-père, par la Kaaba, par le prophète, par la fraternité, par le fait d'être ami, par l'honneur militaire, par le divorce et toute autre chose en dehors d'Allah. Et que de jurer وَأَنَّ الْحَلِفَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ et que de jurer n'est autorisé que lorsque tu jures par Allah seul sans ne rien lui associer, subhanah. تَنْبِيه فإن قال قائل فالله سبحانه وتعالى قد أقسم في كتابه العزيز بكثير من مخلوقاته كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض إلى غير ذلك فيرد عليه بأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله كما في هذه الأحاديث السابقة وتنبيه آخر الحلف بغير الله يعتبر شركا أصغر فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر انظر فتاوى اللجنة دائمة. Puis le Cheikh حفظه الله fait deux remarques. La première, il dit, si une personne vient te dire, pour te reprocher le fait que tu interdises de jurer par autre qu'Allah. Si une personne vient te dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans son noble livre par plusieurs de ses créatures, comme le soleil, comme la lune, comme la nuit, comme le jour, comme les cieux et la terre, et autres créatures, eh bien, réponds-lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans Sourate Al-Anbiya, le verset 23, il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui seront questionnés. Allah Azza wa Jal, la yus'alu amma yafa'al. Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il sera questionné sur ce qu'il fait? Non, subhanahu wa ta'ala. Mais ce sont les gens qui seront questionnés sur leurs faits et gestes. Ceci premièrement. Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jurer par autre qu'Allah dans tous les hadiths que l'on a cités précédemment. Et la deuxième remarque qui est que de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est considéré comme du petit polythéisme, qui ne fait pas sortir de l'islam. Par contre, si une personne jure par autre qu'Allah, en donnant de l'importance à cette chose, en immensifiant cette chose comme il donne de l'importance et comme il immensifie Allah, alors dans ce cas, cela est considéré comme du grand polythéisme. Et Cheikh appelle à se référer à la fatwa de Lajna Da'ima, du comité permanent des savants de l'Arabie Saoudite, notamment dans le tome 1, la page 224. طيب ثم قال المؤلف حفظه الله هل المنجم ساحر؟ Après avoir parlé de l'interdiction de jurer par autre qu'Allah, le cheikh ouvre le chapitre Est-ce que l'astrologue est un sorcier? Qu'est-ce que l'astrologie? On va citer la parole de Cheikh Al-Uthaymin, hafidhahullah, dans son explication de Kitab al-Tawhid. Il dit, rahimahullah, وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين علم التأثير وعلم التيسير. La science des étoiles se divise en deux. Il y a la science, ceux qui étudient les étoiles en pensant qu'elles ont un effet. Et ceux qui apprennent les étoiles pour pouvoir se guider. فَالْأَوَّلُ عِلْمُ التَّأْثِيرُ وَهَذَا يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ Concernant la première partie, qui est الْعِلْمُ التَّأْثِيرُ, la science des étoiles, qui est appris dans le but ou en pensant que les étoiles ont un effet sur les cieux et la terre, ont un effet sur les gens, ont un effet sur leur bonheur, leur malheur, etc., etc. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور فهذا شرك أكبر لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا خالقا مسخرا. Et cette science interdite d'apprendre la science des étoiles, autrement dit l'astrologie, en pensant que ces étoiles ont un effet, eh bien il y a trois sortes. Premièrement, de croire que ces étoiles ont une influence réelle, c'est-à-dire que ces étoiles créent des situations et des malheurs. Ceci est considéré comme du grand polythéisme. Car celui qui prétend qu'il y a avec Allah un créateur, c'est un polythéiste qui sort de l'islam, qui a commis un grand polythéisme. Car il a fait d'une créature un créateur. Thaniyan, an yaj'alaha sababan yadda'i bihi 'ilm al-ghayb, fa yastadillu bi harakatiha wa tanaqqulatiha wa taghayyuratiha 'ala annahu sayakunu kada wa kada. لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا مثل أن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة للدعاء علم الغيب ودعوى علم الغيب كفر مخرج مخرج عن الملة، لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. Deuxièmement, celui qui considère que les étoiles, au fond des étoiles, des causes par lesquelles il prétend la science de l'invisible. Et il prend comme preuve les déplacements et les déviations de ces étoiles pour dire qu'il va, il va se passer telle et telle chose. Comme de dire par exemple que cette personne aura une vie heureuse, car il est né dans les, pendant la période de l'étoile untel. Autrement dit, les signes astrologiques. Celui qui est né ou qui a comme signe, comme ils disent, wal'ayadu billah, le poisson, le capricorne, je ne sais quoi d'autre. En prétendant que celui qui est né pendant que telle étoile était à tel endroit, eh bien, il aura une vie heureuse, l'autre aura une vie malheureuse. Il prend la science des étoiles comme un moyen pour prétendre la science de l'invisible. Et prétendre la science de l'invisible, c'est de la mécréance qui fait sortir de l'islam, wal'ayadu billah. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Dis, ne connais dans les cieux et dans la terre l'invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et Cheikh Al-Uthaymeen dit que cela est, dans ce verset, il y a l'expression de, du fait que la science de l'invisible n'est restreinte qu'à Allah Azzawajal. Car ici, Allah Azzawajal a nié et a attesté. Dit, ne connaît dans les cieux et dans la terre. C'est-à-dire, ne connaît pas, que ce soit dans les cieux ou dans la terre, la science de l'invisible qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il a donc nié la science de l'invisible à toute personne, à toute chose présente dans les cieux et dans la terre, et Allah Azza wa Jalla l'a attesté à qui ? À lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui prétend la science de l'invisible a alors considéré le Coran comme mensonge. Wal'iyadhu billah. Et troisièmement, de croire que an ya'taqidaha sababan li hudouthi al-khayr wal-shar. أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصغر. Et troisièmement, de penser que les étoiles sont la cause de du fait qu'il y a eu un mal ou un bien. La première partie, on avait dit que en pensant que ce sont les étoiles qui ont créé et qui font le mal et le bien. Là, la troisième partie, ils ne considèrent pas que ce sont les étoiles qui font le bien ou le mal, mais ils considèrent qu'elles en sont une cause. Qu'elles en sont une cause. Et lorsqu'une chose arrive, alors il dit que cette chose est arrivée à cause de telle et telle étoile. Et ceci, comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen, fait partie du shirk asrar. Cela fait partie du petit polythéisme. Et on continuera, inshallah, le chapitre de l'astrologue est-il un sorcier la semaine prochaine, bi-idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.